Vous écoutez France Culture. Troisième temps d'une série de la Fabrique de l'Histoire qui remonte 40 années en arrière et tente de se souvenir de 1973. 1973 au cinéma, comme nous l'avons fait lundi avec l'historien du cinéma Bernard Eisenschitz. 1973 au Havre, comme nous l'avons décrit hier dans le documentaire d'Anaïs Quin et de Françoise Camard que vous pouvez écouter ou réécouter sur notre site www.franceculture.fr. 1973 et la question de la crise pétrolière, comme nous l'évoquerons demain dans le débat du jeudi. Et aujourd'hui, dans l'émission d'archives du mercredi, nous revenons à un moment d'histoire militaire et politique qu'on appelle, selon l'endroit où on se trouve, guerre du Kippour ou guerre d'octobre. Une guerre déclenchée le 6 octobre 1973 et qui dura 18 jours. Avec Anaïs Quin, qui a préparé cette semaine avec nous, nous débattrons de cette histoire avec nos trois invités. Denis Charby, il sera en direct au téléphone avec nous. Il est maître de conférences en sciences politiques à l'Open University d'Israël. Alain Diekhoff, il est spécialiste d'Israël. Il a écrit de nombreux livres, mais il participe aussi avec Denis Charby au très gros livre et très beau livre d'histoire des relations entre juifs et musulmans qui vient tout juste de sortir chez Albin Michel sous la direction d'Abdelwahab Medeb et de Benjamin Stora. Et nous serons en duplex avec, depuis Strasbourg, avec Frédéric Chilo, qui est historienne, spécialiste d'Israël, docteur en histoire contemporaine à l'Institut d'études de Paris, donc politique de Paris, et qui a fait sa thèse sur la politique française à l'égard d'Israël, qui vient de publier avec Marius Chatner « La guerre du Kippour n'aura pas lieu ». Comment Israël s'est fait surprendre, chez André Versailles, éditeur. Voilà un extrait pour ouvrir cette émission donc de la bande sonore du film Kippour d'Amos Gitai. Amos Gitai qui fut lui-même soldat en 1973 sur le plateau du Golan, donc dans ce conflit appelé donc guerre de Kippour ou guerre d'octobre. Déjà une première chose, bonjour Alain Diekhoff, vous êtes avec nous. On a l'impression quand on lit les ouvrages qui sont consacrés aux relations donc israélo-palestiniennes ou entre Israël et les pays voisins et les pays arabes, on a l'impression que cette guerre de 1973, cette guerre dite du Kippour, donc, est une guerre un peu oubliée entre une autre date plus importante, évidemment, 1967, et la guerre des Six Jours, et une autre date importante, le voyage de Sadat à Jérusalem en 1977. Pourtant, c'est un événement historique important. On le relie généralement au thème qui sera notre thème de demain, à la crise pétrolière qui va se déclencher donc, dans la foulée de cette guerre du Kippour. Et pourtant, il n'est pas très présent dans les livres d'histoire, cet événement. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je dirais que si vous regardez la façon dont cette guerre est quelque part présente à la fois en Israël et en Égypte, ça reste très présent jusqu'à aujourd'hui. Mmh. Et je dirais à cela, il y a plusieurs raisons. Bon, par exemple, en Égypte, c'est un événement qui est commémoré tous les ans. Il a été commémoré il y a trois Absolument, jours. Absolument, tous les ans. Donc ça reste un événement important. Bon, évidemment, on reviendra sur ça parce qu'en effet, ça a été la première fois que les armées arabes avaient pris l'initiative et au moins, dans un premier temps, avaient marqué très nettement des points. Et du côté israélien, ça reste aussi très très présent parce que ça a été, et le film d'ailleurs de Gitai le montre bien à sa façon, ça a été une guerre très meurtrière du côté israélien. Avec près de 3000 morts, des milliers de blessés, 300 prisonniers de guerre, ce qui était énorme. Et donc, du côté israélien, c'est resté aussi très présent, parce que un peu pour les raisons inverses que celles que j'ai énoncées du côté égyptien, bah parce que justement, les Israéliens se sont fait surprendre et ont été sur la défensive au cours des premiers jours. Donc, c'est vrai que peut-être dans l'histoire un peu générale du conflit, on passe un petit peu vite, mais en réalité, dans la région, si je puis dire, c'est et donc aussi dans l'histoire telle qu'elle est faite et racontée dans la région, c'est un événement très important. Denis Charmier, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse d'Alain Diekhoff qui participe, comme vous participez évidemment, au grand livre sous la direction d'Abdelwahab Medhab et Benjamin Stora, l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, qui vient de paraître chez Albin Michel. Denis Charmier. Denis Charmier, vous m'entendez ? Ah, on a un problème de téléphone avec Denis Charmier. En revanche, on n'a pas de problème de duplex avec Frédéric Chillot, qui est la troisième de nos invités. Frédéric Chillot, vous êtes avec nous depuis les studios de Radio France à Strasbourg, et vous venez de publier avec Marius Chatner « La guerre du Kippour n'aura pas lieu », donc évidemment un jeu de mots sur le fameux titre de Giraudoux, donc « La guerre de Troie n'aura pas lieu ». Comment Israël s'est fait surprendre chez André Versailles éditeur ? Est-ce que c'est une impression qui est contredite par les faits ou par l'histoire, ce que je posais comme question, comme postulat au départ, à savoir que c'était une guerre qui était un peu plus oubliée que d'autres guerres? Alors en France, sans doute, elle est plus oubliée que la guerre des six jours, dont on parlera tout à l'heure. Mais en Israël, la guerre du Kippour est commémorée chaque année avec de nombreux témoignages. Cette année, pour marquer les 40 ans du conflit, il y a eu un flot d'informations, des archives ont été déclassifiées. Et pour contredire un petit peu l'impression que l'on a vue de France, en Israël, on croule sous un flot d'informations, si bien que le Haaretz, le grand quotidien national, a publié une caricature il y a 2 semaines où l'on voyait un pauvre lecteur du Haaretz qui croulait sous une tonne de livres dédiés à la guerre du Kippour. Alors revenons donc peut-être à la période qui précède, puisque celle-là est mieux connue de nos auditeurs donc français en particulier, cette période de 1967. Redémarrons donc cette histoire à partir de 1967 et expliquons comment se sont enchaînés les faits entre la guerre du Six Jours et cette guerre du Kippour, avec deux archives qui sont tirées des archives de l'INA, qui datent du 5 juin 1967. L'une, c'est Jean-Claude Turgeman, qui était à l'époque le correspondant de la radio nationale, donc française, à Jérusalem. Et l'autre, c'est une analyse de Michel Forgit à partir d'un extrait de la radio du Caire en arabe, annonçant justement cette guerre des six jours. 7h heure française. Les habitants de Tel Aviv ont alors entendu les sirènes résonner dans toute la ville, alors que les magasins ouvraient les portes et les écoliers se rendaient à l'école. Quelques minutes plus tard, le gouvernement israélien faisait savoir que les armées égyptiennes avaient pénétré en territoire israélien au sud du désert du Negev. Tel Aviv annonçait la mise en route de ses forces armées à la rencontre des troupes égyptiennes. D'après Tel Aviv, l'opération déclenchée par les Égyptiens au sol était appuyée par l'aviation et la marine. Et quelques minutes plus tard, on apprenait que les chasseurs à réaction israéliens bombardaient les environs du Caire. Il apparaissait rapidement que la stratégie israélienne visait la neutralisation des aéroports militaires égyptiens. Évidemment, les Israéliens ont rencontré la résistance de la DCA égyptienne et même de la chasse aérienne de la RAU. On en est alors à des chiffres qui évoluent d'heure en heure et qui ne veulent finalement pas dire grand-chose dans un conflit aussi précipité. Les Israéliens disent avoir abattu 170 appareils égyptiens. Au Caire, on annonce que 70 avions israéliens ont été mis hors de combat. Au Caire, la nouvelle du début des opérations a été annoncée environ une demi-heure après l'annonce israélienne, et comme il fallait s'y attendre, les Égyptiens rejetaient l'origine du conflit sur les Israéliens. Et voilà ce que l'on pouvait entendre ce matin à l'écoute de Radio Le Caire. On peut dire, Michel Forgit, sur ce que nous venons d'entendre, que l'annonce des hostilités a été accueillie avec enthousiasme dans la capitale égyptienne. Dans les rues, les Égyptiens manifestaient bruyamment leur joie. Pour eux, la guerre est la bienvenue, une seule issue est possible, la victoire. La radio diffuse sans arrêt, vous l'avez entendu, de la musique militaire, et régulièrement, les speakers interviennent pour galvaniser la volonté guerrière des Arabes. Des phrases comme « Nous donnons à Israël la leçon de la mort » ou bien « Débarrassons la Palestine des sales bandes sionistes » reviennent sans arrêt sur l'antenne. Lorsque de violentes explosions ont retenti dans les faubourgs du Caire ce matin, la population est restée très calme. Bien entendu, la République arabe unie rejette sur Israël la responsabilité des combats. Très tôt ce matin, disent les communiqués, les avions et les blindés israéliens nous ont attaqués, nous nous sommes défendus. L'aéroport du Caire est fermé à tout trafic, de même que l'ensemble des aéroports arabes. Voilà donc pour ces deux archives qui datent de 5 juin 1967, donc à propos de cette guerre des six jours, une guerre éclair. Qu'est-ce qu'il y a comme importance dans la victoire rapide d'Israël dans cette guerre des six jours, la conquête de nouveaux territoires? Quelle est cette importance, en l'occurrence Alain Diakov, pour ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la guerre suivante de 1973? En quoi l'euphorie qui gagne Israël à ce moment-là a-t-elle à voir avec ce qui va suivre? Alors, juste peut-être premier petit élément, petite remarque liminaire, c'est que contrairement à la guerre de 73, la guerre de 67, je dirais tout le monde s'y attendait. À partir du mois d'avril, il était quasiment sûr qu'il y aurait un conflit, on ne savait pas trop quand, mais avec la décision de Nasser, qui était donc le président égyptien à l'époque, de demander aux forces des Nations Unies de se retirer du Sinaï et ensuite de fermer le détroit de Tiran sur la mer Rouge, la guerre était quasiment inévitable. Alors, elle était inévitable et elle a eu des conséquences jusqu'à nos jours, en réalité, parce que en effet, elle a conduit Israël à faire cette guerre dite préventive qu'elle a gagnée largement en six jours. Et surtout, il y a une conséquence territoriale qui, en partie, reste acquise jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire le Golan syrien a été occupé à ce moment-là, la Cisjordanie, évidemment, ce qui est toujours le cas jusqu'à aujourd'hui, la bande de Gaza et le Sinaï du côté égyptien. Et Jérusalem-Est, bien sûr, que j'avais inclus dans la Cisjordanie. Donc, le fait, si vous voulez, du côté israélien, d'avoir en quelque sorte ce glacis territorial, les a mis, et aussi la victoire finalement très rapide et inattendue de ce point de vue-là, les a mis à partir de 67 dans une situation qu'on pourrait qualifier un peu d'euphorie, et avec le sentiment que finalement les Arabes n'avaient plus d'options militaires. Et donc ça a entretenu une sorte de contentement de soi qui a été quelque part évidemment, qu'ils ont payé, si je puis dire, en 73. Denis Charby, dans l'article que vous consacrez dans l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, dans la grande histoire donc dirigée par Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora qui vient de sortir chez Albin Michel et que vous avez titré donc Israël face à ses victoires, vous commencez sur cette question justement de l'euphorie de 1967 qui évidemment va être contredite par ce qui se passera en 1973, Denis Charby. Oui, effectivement, je voudrais quand même signaler que, en dépit de cette euphorie, la guerre des six jours va offrir à Israël une solution diplomatique, alors dont elle va tirer parti ou non, mais en tout cas elle va être posée sur la table. D'abord, c'est par rapport aux pays arabes, dans la mesure où c'est par cette guerre-là, pour la première fois, que l'État d'Israël fait payer en quelque sorte le soutien des pays arabes à la cause de la Palestine, en leur prenant, s'attaquant à leur intégrité territoriale, Israël détient à ce moment-là les moyens d'une solution diplomatique en exigeant la reconnaissance d'Israël en contrepartie du retrait israélien. C'est ce qui va se passer en 1977, et bien sûr que là, l'épisode de 1973 est capital pour en arriver là. C'est la proposition potentielle qui existe autour du Golan, même si elle ne s'est pas... Enfin, il y a eu des négociations, même si elles n'ont pas abouti. Et j'ajouterais, pour ce qui est de la dimension palestinienne, et là, qui me paraît capital, c'est que tant que c'est précisément parce qu'Israël obtient ce glacis de la Cisjordanie qu'une solution nationale palestinienne étatique peut voir le jour, dans la mesure où elle va placer les Palestiniens devant le dilemme suivant. Est-ce qu'on reste fidèle à l'objectif politique initial qui est celui de la destruction de l'État d'Israël et la reconstitution d'une Palestine indépendante sur le territoire de la Palestine mandataire, ou bien on se contente d'une mini-Palestine sur ce territoire, bien entendu que la communauté internationale va contester en considérant qu'elle ne peut pas faire partie de la souveraineté israélienne. Donc, il faut bien tenir compte que la guerre de 67, en dépit de l'euphorie israélienne qui est convaincue qu'elle va rester là-bas jusqu'à vitam aeternam, en même temps, elle pose les fondements d'une solution politique, en tout cas celle que la résolution 242 va poser en novembre 1967, tout de suite après la guerre de 67. La paix contre les territoires. Anaïs Kien. Oui, Alain Diakov. Cette guerre de 1967, elle pose une situation où on a l'impression qu'Israël pense qu'il ne va rien se passer dans les années qui suivent. Finalement, la modernisation des armées de ses voisins arabes n'est pas prise en compte. Et on a le sentiment que la guerre de 67 est peut-être la dernière guerre pour Israël, dans le cadre de cette série de guerres préventives pour créer un glacis de protection autour de l'État. C'est-à-dire que on peut reprendre un mot que Dayan, qui était le chef d'état-major et d'abord chef d'état-major et ensuite ministre de la Défense en 67. Hein, Moshe Dayan avait prononcé après 67. C'était que, justement, étant donné la victoire inattendue et puis importante, hein, avec les gains territoriaux, que les Arabes n'avaient donc pas d'option militaire et que donc ils allaient, en quelque sorte, rentrer dans une logique de compromis. Et donc le fameux mot, c'était de dire « nous attendons le coup de fil des Arabes ». Ce coup de fil n'est jamais venu. Parce qu'en réalité, l'interprétation était totalement fausse, parce que, évidemment, l'humiliation de la défaite a au contraire poussé les États arabes, et surtout la Syrie et l'Égypte, à dire que on ne pouvait pas rentrer dans une logique de négociation si rien n'était changé au statu quo. Et alors, la guerre, en fait, était finalement, pour sa date très clairement, pour Assad un peu moins, était très clairement, finalement, En 1973, était en quelque sorte, une voie de sortie diplomatique. Pour arriver à la diplomatie, il fallait repasser par la guerre. Mais attention, et ça, il est très très important, je pense que ça, il faut le dire, il y a énormément de travaux qui l'ont bien montré. Dans un premier temps, l'option de Sadat est une option de proposition de paix. Ce qu'on oublie un peu trop souvent. Mais par une mise en crise préalable, c'est-à-dire déclencher les hostilités, parce que la première proposition de Sadat date de février 1971, et c'est une proposition purement diplomatique, qui est de dire s'il y a un début de retrait israélien, mais sur un espace très limité à l'ouest, même symbolique, à l'est du canal de Suez, c'est-à-dire que les Israéliens se retirent de 10 ou 15 kilomètres du canal, eh bien, on peut commencer à envisager une option diplomatique. Donc, c'était quelque chose qui n'était pas négligeable. Et juste un tout petit mot, et parce que ça explique aussi la suite, la position israélienne. Le Premier ministre Golda Meir était de dire non. Ils ont refusé cette proposition. Ça, il ne faut jamais oublier. Donc la guerre, quelque part, est une option en deuxième instance parce qu'il n'y a pas d'espace de négociation possible avec les positions que le gouvernement israélien adopte à ce moment-là. Alors, ce que j'ai découvert en vous lisant, Frédéric Chillot, dans le livre que vous avez coécrit avec Marius Chatner, donc, qui s'appelle « La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre » chez André Versailles, c'est que quand on pense qu'il y a une guerre, celle des six jours en 67, et une autre guerre en 73, on oublie qu'entre les deux, il y a ce qu'on appelle habituellement la guerre d'usure. Moi, je ne connaissais pas cette théorie et cette expérience-là, justement, cette expérience guerrière. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette période qui court en 68, 69, 70, etc., jusqu'à cette période de 73, qu'on appelle la guerre d'usure, Frédéric Chillot? Qu'est-ce qu'on met sous ce terme de la guerre d'usure, donc entre en particulier les Égyptiens et les Israéliens? Oui, la guerre des six jours en France est considérée comme la quatrième guerre d'Israël. Et la guerre du Kippour en Israël est considérée comme la cinquième guerre israélo-arabe, puisqu'il y a entre la guerre des six jours et la guerre du Kippour un long conflit qui est fait d'escarmouches, d'accrochages, quelque chose de pas très glorieux, qui n'a pas beaucoup de panache, mais qui est une guerre d'usure, qu'on appellera guerre d'usure. Et en fait, cette guerre est une guerre qui n'a pas de nom. Et elle est faite de petits événements, c'est cela? C'est une guerre de basse intensité, comme on dit quelquefois? Exactement, de basse intensité, assez statique. Il y a des attentats, des raids, et puis une escalade tout de même. Et avec ensuite l'intervention de Moscou, et là, la guerre prend une autre ampleur. Mais cette guerre, effectivement, est peu connue. Et en Israël même, il a fallu attendre 2002 pour qu'Israël remette des médailles commémoratives aux soldats qui avaient combattu. Et c'est une guerre tout de même qui a été très meurtrière, environ 700 morts. Et il y a le général Weizmann qui expliquait que la guerre, dans ses mémoires de guerre, il expliquait que la guerre d'usure est la première guerre perdue par Israël. C'est peut-être pour ça aussi qu'elle a été oubliée. En tout cas, cela explique le fait qu'Israël a été surpris, car il n'a pas pris à aucun moment en compte ces défaillances, ces dysfonctionnements et ces échecs dans cette guerre d'usure. Denis Charmy, qu'est-ce qu'on peut dire justement avec le travail que vous avez mené justement sur la question des guerres donc, entre Israël et les pays arabes et en particulier avec ces victoires israéliennes à propos de cette guerre d'usure ? Cette guerre d'usure, c'est effectivement la guerre dont on a un peu parlé. Alors certes, le nom est donné très vite, hein. C'est pas un nom postérieur, c'est pas un nom qui est donné par les historiens, etc. Mm-hmm. C'est un nom qui apparaît à cette époque-là. Mais c'est vrai que dans la mesure où elle est sporadique, elle est voilà, c'est une guerre à laquelle on n'est pas habitué. Certes, la guerre d'indépendance avait commencé de novembre 47, c'était fini au début de l'année 49. Mais bon, voilà, c'était la guerre avec à la clé la création de l'État d'Israël, de fait. 56 c'était relativement rapide, 67 encore plus rapide, et là c'est quelque chose voilà qui a été effectivement plutôt absorbé la question de la, c'est une des questions qui revient beaucoup là maintenant, surtout quand en Israël on commémore donc le 40e anniversaire de la guerre du Kippour, on s'interroge donc sur la place des différentes guerres dans la mémoire collective israélienne, et incontestablement cette guerre d'usure n'a pas eu la place on ne lui a pas accorder la gravité qu'elle mérite. Ce qui est intéressant, c'est que elle n'a même pas suscité de débat politique intérieur entre la majorité et l'opposition parlementaire. Mmh. Tout le monde, effectivement, considérait alors que c'était l'agression égyptienne, puisque seuls les Égyptiens sont concernés, hein, du côté syrien, ça ne bouge pas, mais donc considérait que c'était une agression, la démonstration que l'État d'Israël n'est toujours pas reconnu. Donc je dirais que la bonne conscience trône règne, et ça fait partie justement de cette euphorie. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y avait une contradiction entre le fait que sur les lignes ça ne va pas trop bien, alors que au sein même, mais en même temps c'était l'économie, tout ça, c'était de dire mais voilà, ils sont là pour nous défendre, pour permettre justement à Tel Aviv, à Jérusalem et à l'ensemble du pays de croître sur le plan social, économique, culturel, etc. Une question d'Anaïs Kien. Et d'après vous, Frédéric Chillot, pourquoi le gouvernement israélien n'est pas capable d'analyser ces petits échecs, cette succession de petites défaites entre 67 et 73? Alors on en revient en fait à la guerre des six jours, à cette euphorie incroyable qui a éclaté dans le pays et qui a fait suite à trois semaines d'une angoisse extrême. Il faut se rappeler l'angoisse dans laquelle les Israéliens avaient été plongés. Ils avaient le sentiment vraiment d'un étau qui se refermait sur eux. Et l'idée d'être aussi abandonnés tous, les alliés d'Israël, le laisser face aux armées arabes. On pense notamment à l'allié français. Et après ces semaines d'angoisse, cette victoire éclair, triomphale vraiment, et les héros qui sont sortis de cette guerre font que dans tout le pays, il y avait un sentiment d'invincibilité. Et qui va durer 7 ans? Qui va durer effectivement très longtemps, puisque les échecs ensuite et les dysfonctionnements militaires ne seront pas analysés. Les Israéliens en restent toujours à la guerre des six jours. Et même au début de la guerre du Kippour, quand éclate la guerre du Kippour, les Israéliens penseront qu'il s'agit du septième jour de la guerre des six jours. Ils sont toujours dans ce sentiment d'invincibilité. Sur ce point, Alain Dikoff. C'est-à-dire que je pense qu'il faut, on parle de guerre d'usure, je pense qu'il faut la lier à ce que j'appellerais la diplomatie d'usure. En fait, la position israélienne, c'est en effet d'adopter sa diplomatie, finalement, c'est de ne pas vraiment répondre aux appels du pied qui peuvent venir éventuellement via les États-Unis en général, du côté égyptien en particulier. Comme je le disais, après la mort brutale de Nasser en 1970, Sadat arrive au pouvoir. Et dans un premier temps, comme je le disais auparavant, il essaye de mettre en route un dispositif diplomatique à partir de février 1971. Simplement, Golda Meir n'y répond pas. Mais il y a d'autres gestes subséquents qui montrent qu'il y a des choses qui bougent et où finalement Israël répond par finalement l'inaction, c'est ça. Il y a une inaction diplomatique aussi. Un des gestes très importants de sa date, c'est quand même juillet 1972, c'est l'expulsion de 15 000 conseillers soviétiques. Absolument, oui. Qui aidaient finalement l'armée égyptienne. Alors l'expulsion, quelle était sa signification ? En réalité, l'interprétation israélienne, qui va un peu dans le sens toujours un petit peu de ben « finalement c'est bon pour nous », grosso modo, c'est de dire que c'est un signe de l'affaiblissement de l'Égypte, parce qu'évidemment, les conseillers jouaient un rôle important. En réalité, pour Sadat, la logique est différente. Il expulse les conseillers soviétiques parce qu'à l'époque, l'Union soviétique ne veut pas de guerre. Et quelque part, elle freine les Égyptiens. Donc se débarrasser, si je puis dire, des conseillers soviétiques, c'est un moyen pour Sadat d'avoir une marge de manœuvre. Et en même temps, c'est un signe adressé, et dernier petit mot, c'est un signe adressé indirectement aux États-Unis pour dire « je suis disponible ». Sur ce point, Denis Charby, sur ce renvoi des 15 000 militaires soviétiques qui, je crois, après avoir lu Frédéric Chido, est compensé par plus de fournitures de matériel militaire et plus performant dans la foulée par l'URSS. En l'occurrence, sur ce point, Denis Charby. Alors, je dirais que ce qu'il faut bien tenir compte, c'est que, et ça fait partie d'ailleurs de l'euphorie, c'est qu'effectivement la France cesse d'être l'alliée de l'État d'Israël, et que en contrepartie, c'est les États-Unis qui nouent à ce moment-là leur fameuse relation spéciale avec Israël, leur relation stratégique avec Israël, et bien entendu que ça fait partie des facteurs qui donnent à Israël le sentiment qu'il est invincible et qu'il est arrivé qu'il a réalisé l'objectif qu'il poursuivait déjà depuis les années 50. L'alliance avec la France au milieu des années 50, c'est un pis-aller, c'est parce qu'on n'a pas réussi à remorquer les États-Unis. Alors, c'est vrai que le départ des Soviétiques a été interprété comme la preuve même d'un affaiblissement, mais je dirais ça fait que confirmer, c'est le mot qu'il faut introduire dans notre débat, le mot leitmotiv de tous les discours sur la guerre du Kippour, la fameuse conception, on employait en hébreu le mot conceptia, la fameuse conception, c'est l'idée fixe. Et l'idée fixe, c'est que les États arabes n'entreprendront de guerre que s'ils sont convaincus de la remporter. Or, compte tenu de l'alliance israélo-américaine, compte tenu de la supériorité aérienne qui s'est révélée éclatante lors de la guerre des six jours avec le bombardement au sol de l'aviation égyptienne, eh bien, l'État d'Israël va fonctionner avec cette idée que les États arabes, et l'Égypte notamment, ont intériorisé leur faiblesse et donc ne feront pas la guerre. Et ils interprètent donc le départ des Soviétiques comme la confirmation de leur thèse, c'est-à-dire Absolument. Que voilà, ils ne voient pas le départ soviétique comme la fin de, comme un champ de manœuvre, une liberté de manœuvre plus large, mais au contraire comme la compréhension qu'ils n'ont plus rien à faire sur le terrain militaire. Alors Frédéric Chilo, dans votre livre La guerre du Kippour n'aura pas lieu, qui vient de sortir chez André Versailles, vous nous racontez justement par le menu cette montée à la guerre de 1973 et en particulier tout ce qui se passe en 1972 et l'exemple qui a été donné donc à propos de ce renvoi des militaires soviétiques par Sadat en juillet 72 est doublé par d'autres exemples. Vous expliquez très bien, par exemple, que là où le colonel Kadhafi veut absolument se venger d'un avion de Air Libye qui a été abattu et donc tente à plusieurs reprises de combattre les Israéliens, eh bien, Sadat joue un rôle temporisateur et peut-être même tente d'arrêter ces tentatives d'attentat, en particulier de ceux qui voudraient donc se venger d'Israël, en l'occurrence. Vous pouvez nous raconter un ou deux de ces faits qui se passent soit en Méditerranée avec le Queen Elizabeth II, soit du côté de l'aéroport de Rome. Alors, en fait, Sadat essaie de se rapprocher des États-Unis. Et sur l'affaire de l'expulsion des conseillers soviétiques, il joue sur tous les tableaux et il gagne sur tous les tableaux. Il expulse les conseillers soviétiques en regardant vers Washington, pour se rapprocher de Washington. Et en fait, il ne décide pas de changer d'alliance non plus et d'en finir avec l'alliance avec Moscou. Au contraire, il va obtenir ensuite de Moscou davantage d'armes, et les armes que les soviétiques lui avaient toujours refusées jusqu'alors. Il fait pression en fait sur les soviétiques. Il joue vraiment sur tous les tableaux. Pour revenir sur l'affaire de l'attentat, là, on touche à un autre domaine, c'est celui de l'espionnage aussi. Puisque cette affaire d'attentat manqué contre un avion israélien d'El Al met en scène un personnage fascinant, qui est au centre de votre livre, qui s'appelle Ashraf Marwan. Voilà, qui est au centre du livre et qui est au cœur de la guerre du Kippour, dire, puisque c'est lui qui donne à Israël le signal, l'ultime signal que la guerre va éclater. 6 heures avant le début de la guerre, donc, qui avertit à Londres les agents israéliens, parce qu'il est donc lui-même un agent israélien, donc, mais dans l'entourage de Sadat. Et vous racontez toute son histoire, et effectivement, et à plusieurs reprises, on le retrouve, ce Ashraf Marwan, que ce soit sur cet aéroport de Rome, alors que l'attentat est en train d'être déclenché, ou presque, ou à d'autres endroits, où il aurait joué un rôle, justement, dont vous vous demandez parfois, Frédéric Chillot, avec Marius Chatner, si ça n'est pas un rôle d'agent double, en l'occurrence, puisqu'il a aussi averti très averti très tard ses supposés commanditaires israéliens du déclenchement de la guerre du Kippour. Oui, avec Marius Chatner, nous sommes remontés quand le fil de cet espion incroyable, à moins qu'il n'ait été effectivement un agent double. Ashraf Marwan n'était autre que le gendre de Nasser. Il avait épousé sa fille préférée, Mona. Et après la mort de Nasser, il reste dans les hautes sphères du pouvoir, devenant un très proche conseiller de Sadat, conseiller diplomatique également. Il travaille avec l'Arabie Saoudite, avec la Libye. Et c'est un homme de confiance de Sadat. Il décide en 69 d'aller fournir des informations à Israël, de donner des informations à Israël. C'est lui qui se présente aux Israéliens et qui va rencontrer très vite des dirigeants du Mossad. Et il va être une source précieuse, le meilleur agent qu'Israël n'ait jamais eu. Mais au prix d'énormément d'argent, puisqu'il était rétribué avec des sommes incroyables. À chaque renseignement que Marwan donnait, il pouvait s'acheter un appartement luxueux à Tel Aviv. Alors, cette histoire que vous racontez dans la guerre du Kippour n'aura pas lieu, mais nos auditeurs attendent peut-être justement le déclenchement de cette guerre du Kippour pour pouvoir justement comprendre comment elle s'est déroulée, cette guerre du Kippour. Un extrait d'archives, d'interactualité, c'était le 7 octobre 1973, au lendemain de ce déclenchement. André Semama, qui était le correspondant en Israël, racontait les réactions surprises de la population israélienne face à ce déclenchement de la guerre. La population est d'un calme extraordinaire. Le blackout est complet, toutes les villes d'Israël sont plongées dans l'obscurité à l'heure qu'il est. Le calme est complet, mais l'inquiétude est grande quant au sort des soldats. Les familles s'interrogent au téléphone pour savoir si des nouvelles sont parvenues du front. L'inquiétude est très vive au niveau individuel, au niveau du soldat qui est au front. Mais quant à l'issue des combats, la confiance de la population israélienne est absolue et totale. L'issue de cette guerre ne fait pas l'ombre d'un doute pour n'importe lequel des Israéliens, mais la question que tout le monde se pose est la suivante: combien cela va-t-il nous coûter en vies humaines? Alors Denis Charby, quand on voit ce déclenchement, il faut préciser que c'est un déclenchement de guerre sur deux fronts, donc le front syrien et le front égyptien, et qu'effectivement, dans un premier temps, les forces donc des deux pays arabes en question vont avancer, vont avoir des premières victoires, et que là, l'armée israélienne va apparaître très surprise de ce qui est en train de se passer. Oui, alors je mettrai en avant deux éléments. D'abord, incontestablement, je dirais le poids symbolique d'une attaque déclenchée le jour du Grand Pardon, le jour de Kippour. Et je le dis, j'insiste sur le symbolique parce que, en vérité, précisément, Sadat, sans s'en rendre compte et sans le vouloir certainement, a rendu service à l'État d'Israël dans la mesure où la mobilisation était facile. Le jour de Kippour, il n'y a aucune voiture qui ne circule par tradition. C'est pas une question de loi, mais une question de coutume. Aucune voiture ne circule ce jour-là. La radio et la télévision ne fonctionnent pas non plus. La radio et la télévision sont fermées, il n'y a rien. Et donc, mobiliser les soldats israéliens ce jour-là, sur le plan logistique, c'est le jour idéal. Mais en même temps, sur le plan symbolique, alors que la plupart des Israéliens se trouvent dans les synagogues, en tout cas une partie d'entre eux, ou chez eux, et que ça ait lieu le jour de Kippour, il y avait là quelque chose qui était ressenti comme une insulte à ce qu'il y a de sacré, à se dire on n'aurait pas attaqué le jour de Ramadan, on n'aurait pas attaqué le... Voilà. Et donc, là, il y a un effet de surprise qui redoublait. Et parce que on voit les soldats quitter les synagogues, quitter leur famille, et que le spectacle est certainement déchirant, émouvant. Mais à cela, bien entendu, s'ajoute, et là, pour le coup, on n'est plus dans le symbole, mais dans la réalité, le fait que la contre-attaque israélienne... avant de parler de la contre-attaque, lorsque les soldats israéliens rejoignent leur base militaire pour prendre leurs armes, pour prendre leur barda, pour prendre, prendre contrôle des armes, les tanks, les chars, ils se rendent compte que les choses sont dans un état lamentable, que ça n'a pas été bien surveillé, que ça n'a pas, les choses n'ont pas été mis au jour. La maintenance n'est pas bien faite. La maintenance, exactement. La maintenance n'a pas assuré. Et donc, on commence la guerre dans les conditions les plus difficiles. On a laissé quelques soldats sur les lignes, sur la ligne Barlev, le canal de Suez, même chose pour le Golan. Et donc, c'est vrai qu'on commence la guerre dans les conditions les plus difficiles. Ajoutons à ce deuxième élément le fait que lorsque le chef d'état-major israélien déclare la contre-attaque, eh bien, du côté égyptien, ça met beaucoup de temps. Les premiers résultats vont être plutôt négatifs. Pas du côté syrien, d'ailleurs. Du côté syrien, très rapidement, l'armée israélienne a pris les choses en main. Mais en revanche, du côté égyptien, ça piétine. Et ça va bien entendu engendrer énormément d'inquiétudes, d'autant qu'on sentait un décalage énorme entre le discours belliqueux mais vain des autorités israéliennes, de Golda Meir entre autres, et les informations qui filtrent difficilement, mais qui filtrent quand même sur une contre-offensive qui piétine. Anaïs Kien. Oui, Alain Diekhoff, cette offensive simultanée au nord et au sud par la Syrie et l'Égypte est surprenante, extrêmement surprenante, mais les desseins des deux États qui attaquent ne sont pas les mêmes non plus. Non, c'est-à-dire que les malgré tout concerté, mais pas avec le même dessin. Oui, c'est-à-dire que le dessin des deux est un peu différent, parce que clairement, ça date, pour lui, je dirais, pour faire vite, c'est une guerre politique. C'est-à-dire qu'il veut une guerre finalement limitée, il veut montrer que, contrairement à ce que les Israéliens pensent précisément, il est en mesure de prendre pied dans le Sinaï, d'avancer, au moins dans un premier temps. Mais il n'a pas même pour objectif, en réalité, de libérer le Sinaï militairement. D'ailleurs, à un moment, alors qu'il est plutôt en phase ascendante d'un point de vue militaire, les troupes s'arrêtent, alors qu'elles auraient pu continuer. Parce que son objectif, c'est vraiment de montrer qu'en effet, que la logique israélienne, finalement, est fausse, qu'il faut qu'il change de paradigme. Et du côté de la Syrie ? Alors, du côté de la Syrie, là, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'objectif politique, en tous les cas, pas clairement affiché. Eux, leur objectif, c'est de reprendre le Golan, qui est d'ailleurs beaucoup plus petit, évidemment, que le Sinaï, quelque part, militairement, en principe, un peu plus facile à contrôler. Je dirais que les perspectives finales sont certainement importante. Mais Assad, évidemment, ne sait pas exactement ce que Sadat a en tête, qu'en réalité, il veut faire la guerre pour ouvrir... Pourtant, ils se sont mis d'accord. Oui, mais ils se sont mis d'accord parce qu'ils comprennent tous les deux, et ça, il y a un accord, ils comprennent tous les deux qu'il faut sortir de l'impasse. Que la situation qui dure depuis 7 ans d'absence de perspective totale, alors que les Israéliens restent sur leur compte à soi, n'est pas tenable. Un extrait de Radio Damas, en français, le 8 octobre 1973. Les dirigeants d'Israël vous lancent à nouveau dans les champs de la mort et de la destruction. Vos dirigeants tentent de camoufler par le mensonge le nombre de sacrifices en vie humaine que vous leur offrez. Hier soir encore, ils ont déclaré qu'il y a eu de nombreux accidents de la route en raison de l'extinction des signaux sur la route. Mais les intentions de vos dirigeants sont bien connues. Les nombreuses victimes qui tombent dans les territoires occupés par Israël vous raconteront qu'elles n'ont pas été blessées dans des accidents de la route. Vos dirigeants n'osent pas reconnaître la mère vérité, car vous êtes tués et blessés en vue d'acquérir de nouveaux territoires et d'usurper la liberté d'autrui. Nous ne sommes pas heureux de tuer vos fils, mais nous combattons pour libérer nos territoires occupés et pour la liberté de notre peuple et de tous les peuples. Alors, je ne sais si c'est un effet de votre récit avec Mario Schattner, Frédéric Chillot, mais on se dit, quand on vous lit, comment se fait-il que les dirigeants israéliens n'aient pas vu venir ce qui arrive à ce moment-là ? C'est-à-dire que vous pointez précisément tous les signaux d'alerte qui n'ont pas été vus. Vous pointez, par exemple, l'exemple de ce lieutenant qui est dans le Sinaï, qui dit, mais enfin, c'est quand même étrange. Là, on voit beaucoup plus de gens. Certes, l'Égypte a annoncé qu'ils allaient faire des manœuvres dans le coin, mais tout de même, pourquoi y a-t-il autant de chars? Pourquoi y a-t-il autant de soldats? Ça n'est plus des manœuvres. Et son supérieur hiérarchique, qui ne transmet pas la nouvelle à quelques jours du déclenchement de la guerre, à l'état-major. Donc on s'aperçoit qu'il y a des dizaines de signaux qui ne sont pas entendus. Comment l'interprétez-vous, Frédéric Chillot? Alors, c'est la conception, on a évoqué le terme tout à l'heure, la conception israélienne est que les Arabes, pour résumer, n'oseront jamais. Ils ont été tellement humiliés pendant la guerre des six jours qu'ils n'oseront pas défier Israël. Et s'ils osaient, ils seraient terrassés en 48 heures. Mm-hmm. Le chef d'état-major Elazar parle même d'une demi-journée nécessaire à Tsahal pour de régler le problème avec la Syrie. Donc vraiment, ils sont dans un sentiment de toute puissance qui se cristallise en fait dans l'euphorie, l'état d'euphorie qui perdure depuis la guerre des six jours. Mmh. Il y a eu une somme d'informations et de nombreux signaux qui ont été donnés, et notamment les semaines précédant la guerre du Kippour, qui n'ont pas été vues par les services de renseignement. Il y a une querelle entre services de renseignement qui est assez classique, somme toute, mais aussi le fait que les Israéliens sont assez confiants. Le 25 septembre, par exemple, Golda Meir rencontre le roi Hussein de Jordanie, qui a décidé de ne pas participer à la guerre. Mais il est au courant, il a été mis au courant, oui, il sait que la guerre aura lieu, exactement. Hussein lui dit que ça va avoir lieu, et puis elle n'entend pas, elle ne veut pas entendre. Et avec Mario Schattner, nous avons retrouvé un témoignage de la confidente et la secrétaire de Golda Meir, qui se trouve être d'ailleurs francophone, et qui dit, mais c'est incroyable, elle était abasourdie, Golda Meir n'y a pas cru une seconde, elle n'a pas cru aux menaces de Hussein de Jordanie. Et la preuve en est que Golda Meir a décidé de partir, comme si de rien n'était, pour une tournée en Europe, qu'elle va d'ailleurs prolonger en Europe. Mmh. En Autriche et puis dans d'autres pays. Du côté de c'est le 25 septembre. Oui. Le 4 octobre, un signe quand même flagrant, et après coup, on se dira que c'était vraiment le signal qui aurait dû mettre les Israéliens sur l'idée que la guerre allait éclater. Les familles soviétiques. C'est que Exactement. Les conseillers soviétiques quittent Damas et le Caire. Oui, donc ça n'est pas interprétable, effectivement, c'est compliqué. Effectivement. Sur ce point, Denis Charmy... Mais tout le monde était surpris, même les Américains étaient tout à fait surpris de la guerre et n'ont pas vu ces signaux. Tout le monde était aveuglé, un aveuglement qui durait depuis la guerre des six jours. Denis Charmy. Oui, sur ce point. La question fatidique qui revient systématiquement dans tous les débats, dans tous les ouvrages qui sont publiés en Israël sur la question de la guerre du Kippour, c'est pourquoi Golda Meir ne mobilise pas. Une fois qu'elle est informée, là on est déjà dans les premières journées du mois d'octobre, une fois qu'elle est informée que la guerre est imminente, informée par Marwan Ashraf, pourquoi à ce moment-là elle ne donne pas l'ordre au chef d'état-major David Eleazar de mobiliser les troupes? Et là, il y a des divergences d'interprétation. L'une d'elles consistant à dire que si elle avait mobilisé et si elle avait déclenché la guerre, elle aurait été considérée donc comme agresseur, elle aurait empêché en quelque sorte cette issue diplomatique qui a finalement suivi la guerre du Kippour, parce que effectivement Kissinger avait demandé au gouvernement israélien de ne pas prendre de mesures, je parle du printemps et de l'été 73, de ne pas prendre de mesures qui puissent bloquer le début de cette initiative diplomatique que Kissinger avait concoctée. C'est quelque chose qui pèse dans le débat israélien. C'est là, on accuse, on a longtemps accusé en tout cas Golda Meir d'avoir pris ici une responsabilité écrasante, c'est-à-dire d'avoir préféré laisser sacrifier les jeunes soldats israéliens qui ont été mobilisés que le 6 octobre au matin, donc le jour de Kippour lui-même. Alors justement, vous parlez parler de cette issue diplomatique qui s'annonce à la fin de cette guerre de 18 jours, le 31 octobre 1973, dans Interactualité, Anwar El Sadat, un extrait. Voilà, dit le président Sadat, les militaires font donc pression sur moi pour liquider la poche israélienne sur la rive occidentale. Et les Israéliens qui m'écoutent maintenant savent très bien qu'ils sont en position difficile. D'ailleurs, dit encore le président Sadat, le ministre de la Défense ne l'a pas caché, mais moi, je résiste aux militaires parce que je veux éviter la guerre et l'effusion de sang et parce que Nixon m'a demandé de ne pas rompre le cessez-le-feu car il espère pouvoir régler cette affaire politiquement. Il compte sur le retour israélien aux lignes du cessez-le-feu du 22 octobre. Alors, comment peut-on analyser cette courte archive de 40 secondes, en l'occurrence Alain Diakov? Je crois qu'elle confirme ce que je vous disais précédemment, c'est-à-dire que la logique de Sadat, c'était bien de provoquer la guerre pour pousser en fait tout le monde à la table de négociation. Et finalement, ça a marché. Mmh. Parce que je parlais de diplomatie d'usure de la part d'Israël précédemment, mais il y avait aussi une diplomatie d'usure du côté américain. Kissinger, qui était le conseiller national de sécurité et ensuite est devenu secrétaire d'État, était sur la même ligne. Il pensait qu'il ne fallait rien faire en 72, par exemple, qu'il ne fallait pas répondre à Sadat, que ce n'était pas tout à fait sérieux. Donc lui aussi, après la guerre, il a compris, après la guerre de 73, il a compris qu'il fallait agir d'un point de vue diplomatique. Et ça a conduit aux négociations sur les accords de désengagement du côté syrien et égyptien. On en est resté là du côté syrien, mais par contre, du côté égyptien, on est allé très loin, puisque finalement, quelques années plus tard, en 77, on est arrivé au premier traité de paix. Oui, mais alors justement, en 1977, on parle même de trahison de l'Égypte. Oui, mais alors ça, c'est évidemment les États arabes, parce que il faut bien voir que appelons-la la semi-victoire égyptienne et syrienne dans une moindre mesure, a galvanisé non seulement les Égyptiens et les Syriens, mais l'ensemble du monde arabe. Mmh. Donc Sadat, on l'oublie trop, parce qu'on reste sur le Sadat de 77, mais entre 73 et 77, Sadat est un héros pour les Arabes. Parce que justement, il a gagné quelque part la guerre politiquement, au moins, ne serait-ce qu'en montrant que les lignes pouvaient bouger, que les Israéliens n'étaient pas invincibles. Et donc, c'est quelque part le 77 est vu comme une trahison parce qu'on considère, enfin, que la plupart des États arabes ont considéré qu'en effet, le héros de 73, quelque part, a trahi la cause arabe parce qu'il s'engage dans ce qu'il ne voulait pas au départ en réalité, c'est-à-dire une paix séparée. Mmh. Il ne voulait pas de paix séparée, mais finalement, il va y pousser, y compris par la réaction négative de ses pairs arabes. Denis Charmy. Alors, je crois que la conséquence immédiate sur le plan politique en Israël, c'est bien entendu la naissance d'un mouvement de protestation des réservistes. C'est également le spectacle des prisonniers israéliens qui reviennent d'Égypte. C'était quelque chose qui n'était jamais arrivé, des soldats israéliens prisonniers en si grand nombre, du côté syrien comme du côté égyptien. Et c'est... Ça sera la démission de Golda Meir. Et la démission de Golda Meir, voilà, c'est ça. En avril 1974. Exactement, en avril 1974. C'est juste avant la mise en place d'une commission juridique, la commission Agranat. Ce sera la première concernant la guerre du Kippour, mais il y en aura d'autres et elles vont jouer. Elles montrent ici, d'une certaine manière, l'indépendance des juges et le sentiment que le pouvoir politique ne peut plus faire son travail sans être contrôlé, sans être examiné à la loupe lorsqu'il y a des défaillances, lorsqu'il y a des incuries. Et donc, quatre ans après, c'est la même année d'ailleurs, 1977, mais quelques mois avant l'arrivée de Sadat à Jérusalem, c'est l'alternance, la première alternance du pouvoir, la montée de Menachem Begin et de son parti, le Likoud, arrivée en tête des élections parlementaires du 17 mai 1977. Donc c'est, d'une certaine manière, c'est la fin de l'euphorie, c'est la naissance, je dirais, à la gauche de la gauche, comme à la droite de la droite, des mouvements extra-parlementaires qui vont tirer parti de cette faiblesse du pouvoir politique, de ce séisme qui a frappé la classe politique, et bien pour faire valoir leurs revendications, ça va être le mouvement de la paix maintenant qui va soutenir l'initiative de Sadat et la revendication donc d'un traité de paix israélo-égyptien. Et de l'autre côté, toujours en 1974, après la défaite morale, pas la défaite militaire, mais la défaite morale et politique de l'État d'Israël et du gouvernement israélien la naissance du gauche hégémonique, du bloc de la foi, qui vont mettre en avant cette dynamique des implantations dans les, en Cisjordanie. Et puisqu'on a évoqué, pour terminer avec vous, la figure de Ashraf Marwan, qui est au cœur de votre livre avec Marius Chatner, Frédéric Chilo, la guerre du Kippour n'aura pas lieu. Est-ce qu'on peut savoir ce qu'il est advenu à cet agent double, voire peut-être triple, donc après cette guerre du Kippour, après qu'il ait annoncé donc aux Israéliens le déclenchement imminent de cette guerre du Kippour, qu'est-ce qui lui est arrivé à Ashraf Marwan? Alors, il y a du suspense dans cet ouvrage, je ne ferai pas le drôle d'effleurer. Bah, vous donnez la réponse dans les premières pages, donc ce n'est pas vraiment un suspense. Oui, c'est vrai. Non, mais Marwan a continué, c'est assez extraordinaire, il a continué à être un espion au service d'Israël. Mais ensuite, il est vrai qu'il a abandonné sa carrière d'espion pour celle tout aussi lucrative de businessman à Londres. Et malheureusement, la guerre et ses états de fait d'espion se sont retournés contre lui. En fait, son nom a été éventé. Et en 2007, Marwan a été retrouvé. Il a sauté par-dessus la balustrade de son appartement londonien. Et on parle bien d'un suicide. Sa veuve accuse le Mossad. Et on pense aussi beaucoup, bien sûr, aux services secrets égyptiens. Merci Frédéric Chilo d'avoir ainsi conclu cette histoire. Donc on ne restera pas sur un point d'interrogation à propos du sort de cet Ashraf Marwan, mais on peut vous lire avec beaucoup d'intérêt dans ce livre qui est écrit avec un ton très alerte, donc avec Marius Chatner. La guerre du Kippour n'aura pas lieu, comment Israël s'est fait surprendre, c'est chez André Versailles, éditeur. Et puis alors si on veut véritablement se plonger dans une histoire absolument énorme, à savoir l'histoire des relations entre juifs et musulmans des origines à nos jours, il faut lire le gros livre qui vient tout juste de sortir là aussi chez Alma Michel, dirigé par Abdelwahab Medeb et Benjamin Stora. Donc un livre dans lequel vous intervenez, vous Alain Diekhoff, mais également vous Denis Charby. Juste un tout petit mot, Denis Charby, sur cette entreprise énorme. Oui, j'ai eu la responsabilité, on m'a confié la responsabilité de diriger la partie temps présent et qui couvre, je dirais, l'aspect tragique, dramatique, conflictuel entre juifs et arabes, non seulement en Israël et Palestine et dans le monde arabe, mais également en Europe et toutes les répercussions. Ça a été une entreprise remarquable parce qu'elle s'est faite avec des historiens israéliens, des historiens européens, des historiens arabes. Ça a été une longue entreprise, mais... C'est un très beau résultat. Comment ? C'est un très beau résultat. Merci. Merci à vous, Denis Charby, merci à Alain Diekhoff et merci également à nos confrères de Radio France à Strasbourg qui ont accueilli dans leur studio Frédéric Chilo. Comme d'habitude, cette émission était préparée par Marie-Vonne Abolivier et Aurélie Marcet. Vincent René était à la technique, Françoise Camard à la réalisation. Nous nous retrouvons demain pour le dernier volet de cette série consacrée à 1973. Et là, nous allons poser une autre question. La crise a-t-elle commencé en 1973? Et oui, et peut-on encore parler de crise? Beaucoup de nos auditeurs nous ont reproché, avant même d'avoir écouté cette émission qui n'a pas eu lieu, donc de nous dire, eh bien, pourquoi parlez-vous de crise? Ça n'était pas une crise, c'est une invention, cette crise. On en discutera demain avec nos invités, en particulier des historiens de l'économie. Et comme d'habitude, si vous voulez écouter, réécouter ou laisser vos messages sur cette émission ou sur toutes les autres, allez sur le site www.franceculture.fr sur la page de la Fabrique de l'Histoire.